Il n'y a pas que les poumons à vouloir la respiration. La voix maternelle de la vieille villageoise me ramène au présent. « Excuse-moi, » dit-elle, embarrassée. « Je vois que ma demande était indiscrète. » Je la rassure. « Non, tante Adjé, elle ne l'est pas. » Alors, encouragée par ma réponse, elle me conseille avec la plus grande douceur. « Pourquoi ne quittes-tu pas le village pour retourner à Pékin, la ville où tu es née ? Nous, nous sommes venus au monde et nous avons grandi ici. Même si nous le voulions, nous n'avons pas les moyens d'aller ailleurs. Mais toi, tu as été forcé de venir ici. Et maintenant, tu peux en partir. Au début, certes, j'ai eu des difficultés à m'adapter ici. Je ne veux pas lui avouer ce qui, alors, m'a été le plus dur dans le village. L'insuffisance de propreté et d'hygiène. Dans ces domaines, pourtant fondamentaux, la révolution n'avait encore rien fait ici. Par chance, j'avais trouvé les cœurs et les esprits des habitants particulièrement propres et aimables. Je dis alors à tante Adjé. Puis, j'ai appris à vous aimer, vous tous, ce village, cette terre, et j'ai découvert que je suis mieux ici. Vraiment, vraiment ? Oui, vraiment, vraiment ! C'est ici que je respire le mieux, pas seulement à cause de la pureté de l'air, mais aussi de l'amitié que vous tous me témoignez. Oh, conteste la vieille femme, l'air, je comprends. Mais nous, nous ne sommes que de pauvres paysans. Ailleurs existe une pauvreté pire, que je ne supporte pas. Il y a des gens plus pauvres que nous, demande la villageoise, dubitative. Oh oui, la pauvreté est des cœurs arides. Tante Adjé me sourit avec tendresse, puis m'offre un petit sac en plastique plein du lait qu'elle vient de traire. Porte-le à la maison. Je mets la main à mon sac pour l'ouvrir. La vieille femme m'arrête d'un geste maternel. Cette fois-ci, c'est gratuit. Décliner cette générosité et persister à proposer de l'argent aurait été très mal poli. « Merci, tante Adjé, merci !» Après l'avoir quitté, en poursuivant ma marche, le passé me revient encore. Tout au début, quand je suis arrivée dans ce village, mes premières pensées furent très angoissantes. Comment pourrais-je vivre dans une contrée perdue et désolée où je n'ai jamais été, parmi des inconnus ? Apprécieront-ils une personne venant de la ville et la sachant bannie parce que mauvais élément social? Et comment supporter la séparation de mes parents? J'en ai pleuré tant de fois, longuement. Oh, ma si chère mère! Oh, mon si cher père! Des milliers de kilomètres nous séparent. Et je ne peux même pas recevoir des nouvelles de vous, ni vous en donner, pour au moins soulager nos peines et nos angoisses. En pensant à vous, mes larmes coulent, sans me consoler. Comment vivre sans jouir de votre tendresse et vous offrir la mienne ? Je levai mes yeux vers le ciel. Son impassibilité redoublait mon désespoir. Oh ! Disparaître pour toujours, puisque privé de toute forme d'amour ! Par chance, ce lieu, ce village, m'offrirent aussi des bienfaits. Quand c'était possible, j'allais m'étendre sur l'herbe parfumée, sous un grand arbre. Là, je contemplais l'azur du ciel limpide et profond, où, de temps à autre, quelques nuages clairs et vaporeux flottaient. D'autres fois, la nuit, j'allais au même endroit. L'arbre était devenu mon ami. De là, j'admirais la lune brillante de tout son éclat. J'admirais longuement l'immensité de l'univers, parsemée d'une multitude d'étoiles, les unes plus scintillantes que les autres, les unes proches et les autres si lointaines. Quelle paix ! Quelle sérénité, quelle douceur, en dépit du malheur, et pour le supporter. Quand la vieillesse viendra, quelle main t'enterrera ? Après la rencontre avec tante Adjé, j'arrive enfin dans ma petite maison. Je traverse la cour agrémentée de pêchers et de pruniers. Dans un jardin potager, quelques poules se dandinent parmi des légumes. Entrée au salon, je m'approche d'un petit meuble. Là est posé ce que j'ai de plus précieux, le violon. Inutile de raconter par quel miracle je suis parvenu à le garder. Très attendri, je le contemple, longuement. Mes yeux se déplacent à côté. Sur une photographie mise dans un cadre, mon père et ma mère, la quarantaine d'années chacun, se tiennent debout l'un près de l'autre, souriant. C'était à Pékin, dans le parc de l'harmonie préservée. Le soir, au retour dans notre petit appartement, faisant partie d'un modeste immeuble d'ouvriers, nous étions assis dans la cuisine, mes parents et moi. Une lampe électrique pendue à un fil du plafond nous éclairait. C'était juste après le retour de ma tournée à l'étranger. Ma mère leva ses yeux affectueux, mais inquiets, sur moi. « Pourquoi tu ne te décides pas à te marier ?» Très embarrassé, je baissai ma tête. Je sentais que mon père, lui aussi préoccupé, m'observait attentivement. « Pourtant, reprit ma mère avec douceur, ce ne sont pas les prétendants qui te manquent. Et que diront les membres de notre famille ? Si tu ne te maries pas tant que tu es jeune, tu n'auras pas d'enfant. Et sans enfant, quand tu seras vieille, qui t'enterrera ?» Je tins le regard vers le bas en m'efforçant de contenir mon malaise. « S'il te plaît, supplia-t-elle, réponds-moi. » Je ne le pouvais pas. « Je suis ta mère, rappela-t-elle avec bonté, et lui est ton père. Ne garde pas les choses seulement en toi-même, ce n'est pas bon pour ta santé. Même quand nous ne serons plus de ce monde, ton père et moi, ne conserve pas les choses en toi-même. Si tu n'as personne à qui confier tes soucis, parle au mur de ta chambre, oui au mur, et libère-toi des mauvaises pensées pour qu'elles n'endommagent pas ton esprit. » J'ai levé la tête et contemplé ma mère, puis mon père. En essayant de cacher ma profonde amertume, je parvins à retenir mes larmes. « Quand je trouverai l'homme juste, répondis-je, avec la même pondération que celle de ma mère, je me marierai. » Mon père intervint, calme et affectueux. « L'homme idéal n'existe pas, Rua. Souviens-toi, ta mère et moi, nous sommes le résultat d'un mariage arrangé par nos parents. Pourtant, nous avons appris à nous aimer, nous nous aimons encore. Nous avons eu aussi le bonheur de te mettre au monde. » Nous savons que nous pouvons compter sur toi dans notre vieillesse, jusqu'au dernier moment. Je le sais, papa, mais pardonne-moi de te le dire. À propos des mariages arrangés par les familles, pour un qui réussit, comme le tien avec maman, beaucoup sont des échecs. Oh, reprit mon père, confus, je ne te suggérerais pas un mariage arrangé, car toi, tu connais bien des personnes, et tu es libre de choisir celui qui te plaira. Ma mère ne se retint plus. « Je ne mourrai pas tranquille si auparavant je ne te vois pas mariée et heureuse. Ces larmes coulèrent, elles me brûlèrent. » 10 juin, Pékin, soir. Malédiction. Une forte diarrhée m'empêche de prendre l'avion. Pourtant, il me semble n'avoir rien mangé qui aurait pu en être la cause. Évidemment, c'est la trop forte émotion. Mais il m'a acheté le médicament nécessaire et m'a fait boire des litres d'eau un peu salée. Pour éviter la déshydratation, m'a-t-elle indiqué. Mais encore rien. Toute la journée aux toilettes, j'en suis affaibli. Si demain, a-t-elle ajouté, tu n'es pas mieux, il faut consulter un médecin. C'est quand il est trempé que se montre l'acier. 11 juin, village, soir. Le matin, de bonne heure, je mets de l'ordre dans la maison avant de partir. Des coups répétés à la porte m'interrompent. J'ouvre. Sur le seuil, un couple de villageois me salue. La femme tient dans la main celle de sa fille, la petite Xuxi. Leurs visages sont inquiets. J'en devine le motif. La séparation est incertitude du retour. Déjà, pour les adultes, elle est pénible. Que dire pour des enfants ? Je préfère ne pas montrer mon appréhension. J'accueille mes visiteurs avec joie. Oh, quelle belle surprise ! Entrez, entrez ! Non, merci, s'excuse la mère. Xuxi nous a dit que tu partais en voyage. Alors, nous avons voulu venir te saluer avant ton départ. « Ah, c'est gentil, merci. »« Moi aussi, » murmure la petite fille, « je veux te dire quelque chose. Je t'écoute, petite amie. Eh bien, tant que tu seras absente, je ne veux pas entendre les oiseaux gazouiller et je ne veux pas chanter. » Ses parents et moi éclatons de rire. « au contraire, » dis-je, « pendant que je ne serai pas ici, écoute les oiseaux et chante toi aussi. Ainsi, nous serons ensemble. » « Comment ensemble ?» veut savoir la petite, n'ayant pas compris mon conseil. « Nous serons ensemble en pensée. Tu imagineras que tu es avec moi, et moi avec toi. Moi, je préfère que tu restes avec moi. Moi aussi, je le voudrais. Mais dans la vie, parfois, les amis doivent se séparer pendant un certain temps. Et alors, il faut savoir rester ensemble, en pensée. » Xuxi me regarde sans être convaincue. Je l'encourage. Essaie, et tu verras que c'est possible, et que cela fait du bien. D'accord, j'essaierai, mais je crois que je pleurerai. Cette observation nous attendrit jusqu'au fond du cœur. Je réponds, cela ne fait rien, ou plutôt, cela fait du bien de pleurer quelquefois. L'essentiel est d'avoir une belle pensée. Alors tu me penseras comme je te penserai. D'accord ? Oh oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup, mais tu reviendras vite, hein ? « Le plus tôt possible. »« C'est sûr, » intervient le père d'un ton amical. Je le rassure. « Absolument. » j'indique Zougzi. Je le lui ai promis. L'enfant tend ses petits bras vers moi, je l'enlace tendrement. Quand elle et ses parents partent, je reste immobile devant la porte refermée. Le sourire de Xuxi me manquera beaucoup, de même ne plus donner de leçons aux enfants. Et quitter le village où je me plais à vivre le reste de ma vie est un très dur renoncement. Ne plus contempler les majestueuses montagnes et jouir de leur sérénité, ne plus bavarder avec les habitants en bénéficiant de la chaleur de leur cœur, encore une cruelle séparation. Je retourne dans la cuisine. Je pose une marmite sur la table, prends quelques légumes frais et les mets à côté. Mais l'esprit est ailleurs. Je m'approche de la fenêtre, je regarde la haute montagne. Au loin, beaucoup d'années sont passées. Au début, ici, j'étais si humilié par l'affreuse honte de me voir coupé de mes parents, exclu de mon travail aimé, relégué dans ce lieu totalement isolé. Puis, il m'a fallu affronter les très dures difficultés. Apprendre à travailler avec les mains, supporter les odeurs fétides des porcheries, malgré le chiffon mis sur le nez, endurer les excessives heures de labeur physique, se contenter d'une insuffisante nourriture, ne jamais se plaindre, surveiller la moindre de mes paroles pour qu'elles ne soient pas mal interprétées, enfin l'angoisse de tomber malade sans l'assistance et les médicaments nécessaires. Heureusement, avec le temps, j'ai découvert la nature réelle des gens parmi lesquels je vivais. Étant les plus démunis parmi les pauvres, ces paysans furent historiquement toujours les plus méprisés. Certes, leur corps est sali par le très pénible labeur des champs, la poussière suffocante en été, la boue vaseuse en hiver, et, à toute saison, la malpropreté des animaux, sans parler des insectes et autres bestioles fastidieuses. Mais quelle pureté d'âme de ces travailleurs de la terre ! Le manque d'instruction n'entraîne pas automatiquement une médiocrité de comportement. La carence matérielle est compensée par la généreuse solidarité collective. Je me rendis compte de l'importance fondamentale de ces travailleurs pour fournir l'alimentation à toute la population, combien leurs activités sont contraignantes, harassantes, sans répit, sous la pluie glaciale comme sous le soleil brûlant. Et, aggravant tout, ces activités indispensables sont, par les citadins, méprisées et injustement rétribuées. Malgré les progrès réalisés par la Révolution, dont ces paysans ont été le bras armé, en fournissant le plus lourd tribut de sang. Ne parlons pas du prétendu grand bond en avant, avec ces millions de victimes paysannes, tuées par la famine, au profit des citadins et de l'industrialisation. J'ignorais tout de la terre, des animaux et des plantes, alors que je bénéficiais de leurs produits. Et voilà que, jour après jour, au village, se révélait à moi un monde nouveau. La relation directe, concrète, avec la terre et les animaux, transformait non seulement mon corps, mais tout autant mon esprit, les enrichissant d'une dimension essentielle. Je naissais à une nouvelle vie, plus authentique, plus exaltante. Des mots me sont devenus plus réels, plus concrets. Honnêteté, modestie, ténacité, justice, solidarité. L'ex-artiste et citadine que j'étais, parvint enfin à la découverte la plus importante. Je suis plus heureuse, ici, anonyme, en un lieu perdu, en m'occupant de porcs et en vivant avec des paysans pauvres, plutôt qu'au meilleur moment de ma carrière artistique, comme chanteuse fameuse, applaudie par le public, honorée par les puissants. Ceux qui m'avaient envoyée dans ce village ont cru me punir. Étrange conception de la part de personnes proclamant leur respect et leur amour pour les paysans pauvres, tout en considérant la vie parmi eux comme une humiliante punition. C'est en m'occupant des excréments des cochons que j'ai découvert la vraie beauté du monde et ce qu'il y a de vraiment beau en moi. J'ai enfin trouvé le pays des immortels, là où je n'ai rien à envier, puisque je suis heureuse avec rien. J'en suis à ces belles pensées quand j'entends approcher de la porte de ma maison une très joyeuse musique de gongs, de tambours et de flûtes. Étonné, je sors pour voir. Devant moi, un groupe de villageois continue à jouer, en riant. Le chef du village, la soixantaine d'années, s'approche et m'annonce, content, « On a organisé une fête pour ton départ, pour te donner le désir de revenir le plus tôt possible. » Oh, quelle délicate attention! Allez, ajoute-t-il, prépare-toi et viens! Le groupe repart en reprenant à jouer sa fanfare. Je m'empresse de rejoindre la place du village. Quand j'y arrive, le centre est occupé par une très longue file de tables, placées les unes à côté des autres. Des villageoises préparent à manger. Elles m'accueillent joyeusement. Je me retrousse les manches pour les aider. « Ah non !» lance l'une d'elles. « Aujourd'hui, c'est ta fête, et donc tu dois te reposer. C'est la fête de nous tous, et donc tous, nous participons à tout, comme toujours. » Je m'associe aux préparations. Soudain, j'entends des aboiements furieux. Je me tourne vers l'endroit d'où ils parviennent. J'y vois un chien, enchaîné à un tronc d'arbre. Il s'agite de toute son énergie en face d'un homme qui tient un long et gros bâton. Le paysan le lève tout haut, puis là-bas, en direction de la tête de l'animal. Celui-ci l'évite et reçoit le coup sur le dos. Il hurle de douleur et proteste en aboyant plus furieusement. C'est horrible. J'en suis totalement secoué. Mais je ne réagis pas. C'est malheureusement la coutume ici. Le paysan lève de nouveau son bâton. Il retombe, encore une fois, sur le dos de la victime. Le malheureux chien tire de toute sa force sur la chaîne pour se libérer. N'y parvenant pas, il se remet à aboyer plus furieusement contre son agresseur. Le bâton se lève une troisième fois. Cette fois-ci, il atteint le crâne. L'animal chancelle. Le bourreau en profite et assène un autre coup, plus brutal encore, sur la tête du chien. Aussitôt, son pauvre corps s'écroule, inanimé. Le paysan lui assène encore un coup sur la tête, pourtant immobile. Ensuite, l'exécuteur détache le cadavre. Par la chaîne entourant son cou, il le traîne vers une porte, où il disparaît avec lui. Chaque fois que j'ai assisté, malgré moi, à ce genre de scène, je n'ai jamais osé exprimer mon opinion contraire. J'étais consciente qu'elle ne serait pas bien reçue, vu le terrible poids de la tradition. À l'heure du déjeuner, le chef du village m'accorde l'honneur de m'asseoir près de lui, au milieu de la file de tables, garnie de plats, de mets et de boissons. Tous les villageois sont présents, avec leurs enfants. La plupart sont assis, quelques-uns debout. Tous mangent en bavardant, allègrement. Quand on pose sur la table des bols de morceaux de viande, je comprends. C'est celle du chien tué auparavant. Le dégoût fait naître en moi l'envie de vomir. Je me retiens. Des convives saisissent avec leurs baguettes des morceaux et les mangent en les savourant avec plaisir. Le chef me propose gentiment d'en prendre. Avec politesse, je remercie, mais je saisis uniquement des légumes. J'espère que personne n'en sera formalisé. Dans ma famille, la viande de chien fut toujours écartée comme nourriture. Papa avait eu dans son enfance une petite chienne qu'il adorait. Depuis, il n'a jamais pu manger ce genre de viande. Cette habitude devint celle de maman et la mienne. Cependant, je comprends les paysans parmi lesquels je vis. Quand on est pauvre, on mange ce qui est disponible. À ce propos, je me souviens de la première fois où j'ai mis en bouche ce que la nature propose. Une villageoise m'offrit une racine du plante tropicale. Les paysans l'appellent Shaniao, médicament de la montagne. Enveloppée de terre brunâtre, sombre, elle émanait une odeur douce, parfumée, fraîche. Ah, la terre, le sein de notre seconde mère! Sur la place, pendant que nous continuons à manger, en bavardant, apparaissent en trottinant un porc, poursuivant une truie, qui le fuit avec de stridents petits cris. À leur vue, beaucoup de convives éclatent de rire. Retourné à la maison, bien tard, mes pensées s'agitent, confuses. Demain, à l'aube, je pars. Je vais à la fenêtre de la cuisine, éclairée par une pleine lune. Je contemple un groupe de bambous à quelques mètres de là. Leurs nombreuses feuilles bruissent doucement sous l'effet d'une brise légère. Dans l'herbe haute, des lucioles solitaires, lumineuses dans l'obscurité, papillotent en dansant, accompagnées par la mélodie du feuillage. Mon regard se déplace vers de belles orchidées, plantées dans un vase posé sur le bord de la fenêtre. L'astre nocturne les teinte d'une clarté bleuâtre, féerique, comme l'est aussi le parfum, intense et délicat, répandu par ces fleurs. J'avais choisi l'orchidée parce que nos poètes anciens la considéraient la fleur d'amour par excellence, destinée uniquement à ceux qui ont le cœur assez sensible. D'impétueuses houles ballottent mon esprit, où s'affrontent les deux hypothèses du futur prochain, l'angoisse de décevoir contre le bonheur de plaire. Une discussion me revient en mémoire. C'était juste après le retour de la tournée à l'étranger, dans la petite chambre à coucher, partagée avec mon amie Huey. Elle était de Mongolie intérieure par sa mère et Han par son père. Note, l'ethnie majoritaire chinoise. Plus haute de taille par rapport à moi, son visage, bien pommelé, dénotait son origine maternelle. Sa chevelure, noire comme la mienne, était plus solide et plus lisse, tombant raide sur ses épaules. Ses yeux reflétaient en même temps tendresse et sévérité. Nous nous sommes connus dans la troupe artistique. Dès notre première rencontre, une profonde amitié nous a liés. Notre confiance réciproque fut telle que nous nous échangeions toutes nos pensées et sentiments. Cependant, nos caractères différaient en se complétant. À mon ardent idéalisme correspondait chez Yue la réflexion réaliste. Cette disposition donnait à son visage une expression mélancolique. Elle se manifestait même dans ses rares sourires. Cet air soucieux, j'en savais la cause. Durant une opération de routine à l'hôpital, le chirurgien oublia un instrument dans le ventre de la mère de Yue. La malade en mourut, sa fille avait 16 ans. Son père prit une autre épouse. Le couple fut tellement indifférent envers Yue que celle-ci alla vivre avec sa grand-mère maternelle dont l'époux était décédé. Le hasard joue des tours inattendus. Les parents avaient nommé leur fille Yue. Ce terme signifie soit lune, soit joie. La mort imprévue de la mère imprégna ce nom d'une lunatique teinte de tristesse. La grand-mère de Yue était une paysanne pauvre vivant à la campagne. Elle avait une âme artiste. Elle chantonnait souvent des airs populaires très charmants. C'est elle qui suggéra et encouragea Yue, étant donné la perfection de son corps élancé et la grâce des lignes de son visage, à choisir la carrière de danseuse. Voilà comment la petite fille devint membre de notre compagnie artistique. Un soir, dans la chambre, nous étions en conciliabule, Yue et moi. La neige blanchissait la partie extérieure de la fenêtre, le vent soufflait en bourrasque à répétition. Par coïncidence, le temps reflétait mon âme. Mon amie et moi étions assises l'une à côté de l'autre sur l'un de nos deux petits lits. À la fin du récit de ma tournée en Occident, j'ai conclu par ce poème. À la vue de l'apparition, j'ai reconnu l'Annonciation. Mon cœur cogna avec fureur, mes joues ont changé de couleur. J'ai ajouté avec un profond chagrin, je n'ai même pas eu la possibilité de connaître son nom. « Oublie-le, » murmura Yue, très préoccupé. « Tu n'as pas le choix, » j'objectais. « Comment renoncer à l'amour et à la beauté ?» Yue fut ému par ces deux mots. Il résumait notre conception de la révolution. Amour du peuple, amour entre camarades, amour entre hommes et femmes, et beauté des êtres humains, beauté de la vie, beauté de la nature. Je poursuivis la description de mon état d'esprit. J'ai vu s'entr'ouvrir la porte du bonheur. Que c'est beau, Yue, que c'est beau. Tu aurais eu le même sentiment, tu aurais dit les mêmes paroles. Yue, s'imaginant à ma place, baissa les yeux vers le sol par pudeur. Je repris, mais l'aveuglement des humains a brutalement refermé cette porte. Ces mêmes humains qui proclament vouloir notre bonheur. Cependant, mon bonheur, je l'ai vu. Maintenant, je sais qu'il existe, même s'il est très loin. Je ne veux pas l'oublier, même si j'ignore comment le concrétiser. C'est impossible, objecta Yue. J'ai précisé. J'eus l'idée d'en parler aux dirigeants de la troupe. Je savais d'avance qu'il aurait été scandalisé de me voir éprouver des sentiments pour un étranger. Et pourtant, nous nous proclamons internationalistes. Nous avons, répliqua Yue, déjà assez vécu pour connaître la différence entre les mots et la réalité. Je suis arrivé à la confession la plus secrète, la plus dangereuse. Mais à Yue, je ne cachais rien. Là-bas, j'eus l'idée de quitter la troupe. Yue mit brusquement sa main sur ma bouche, me regarda d'un air inquiet, puis jeta un coup d'œil à la porte. Elle me signifiait de faire attention. Ce que je disais pouvait être entendu par un espion. Mais j'étais trop désespéré. Aussi, malgré cet avertissement, j'ai continué en baissant un peu la voix. Mais je pensais aux conséquences contre mes parents. Jamais je n'avais imaginé me trouver devant un si terrible dilemme, devoir choisir entre l'amour de mes parents et celui d'un homme. Et cela, non pas parce que mes parents s'y opposent, mais un règlement étatique, en plus d'un État proclamant ne pas faire de distinction entre les bons citoyens du monde. J'étais scandalisée et j'avais honte de ne pas trouver de solution. Faire partie du peuple qui a réalisé la longue marche et ne pas savoir concrétiser un amour, quel horrible tourment! Mon regard alla à la fenêtre. Le vent y jetait des morceaux de neige. Tout en les contemplant, je me livrais encore. À l'hôtel, une question me torturait. Qu'est-ce donc qu'une révolution qui empêche deux jeunes personnes de s'aimer, uniquement parce que l'un d'eux n'est pas chinois? Vivre pour servir le peuple, c'est bien, mais je veux également vivre pour servir mes sentiments. Vu qu'ils sont purs et beaux, ils m'aident à servir encore mieux le peuple. J'eus une idée, offrir aux jeunes ma photo. Mais aussitôt la peur m'a saisi. Comment la lui donner? Nous étions surveillés jour et nuit, à chaque instant, en tout lieu. Cette crainte me torturait. J'en connaissais les graves conséquences. En même temps, j'avais honte de ma crainte. Quel mal y aurait-il à offrir ma photo à un jeune étranger qui me plaît ? Aussitôt se présentait devant mes yeux le visage sévère de notre chef. Mais tout de suite après, je me disais, « Sois libre et courageuse, sinon à quoi a servi la révolution ?»« Et alors ?» demanda Yue, très inquiète. J'ai fini par trouver la solution. Un soir, au restaurant où nous dînions, le jeune était debout à la porte. Je me suis rendu compte qu'il me fixait discrètement. Alors, profitant d'un moment d'euphorie où tous, y compris notre chef, s'invitaient mutuellement à boire et encore boire du vin ensemble, j'ai jeté un très rapide mais significatif coup d'œil vers le jeune. Ensuite, j'ai mis une main dans la poche de mon pantalon et, en la retirant, fis en sorte que ma photo tomba par terre. J'y ai regardé un moment avec l'espoir que le jeune puisse remarquer mon mouvement. Puis je lui ai lancé un second circonspect regard. Le jour suivant, en passant dans un couloir de l'hôtel, j'ai rencontré le jeune. Son léger mouvement de tête affirmatif était clair. Il avait récupéré mon cadeau. Mon âme chanta de joie. Dans la chambre froide, face à Yue, je suis restée un moment prise par cet instant de bonheur. Je le savourai encore une fois. Puis j'ai continué. Depuis mon retour, je l'appelle en pensée. En même temps, j'ai peur qu'il ne m'ait déjà oublié. Chaque nuit, je m'endors en souhaitant le retrouver dans mes rêves. Et chaque jour, ma tristesse s'aggrave. Je me sens une plante qui a trouvé sa terre, mais en a été arrachée par un caprice autoritaire. Et la voilà voltigée, tourbillonnée, perdue, effarée. Je ne parviens plus à me regarder dans un miroir. À chaque occasion, pour arranger mes cheveux, je pleure. Si la nuit, pour me consoler, je contemple les étoiles, je pleure aussi, en voyant chaque étoile toute seule, isolée. Si j'entends un oiseau chanter, je pleure encore. Je ne parviens plus à me lever avec le plaisir d'avant, ni à me coucher avec sérénité. L'aurore, comme le crépuscule, me sont devenues très pénibles. Je me sens coupable de ne pas avoir su conquérir mon bonheur. Suffoquant de désolation, j'éclatais en pleurs. Les larmes de Yue coulèrent également en silence. Après un moment, j'eus besoin de parler encore. Toutes les objections, tous les raisonnements qui se présentent à moi ne parviennent pas à supprimer mon sentiment de faute. Quand je me dis « tu n'es pas responsable de n'avoir pas pu vivre ton amour », immédiatement je me réplique « tout a une solution, pourquoi n'as-tu pas trouvé la tienne ?» Si je cherche un peu de répit en lisant de la poésie, au premier vers, mes yeux se remplissent de larmes et je pleure, encore plus quand je lis ce genre de texte. Cœur sans amour, si malheureux, cœur amoureux mais langoureux, peine toujours. Yue tenta de me convaincre. Désormais, tout est fini. Roua, fini. Considère que tu as fait un beau rêve, puis tu t'es réveillé. C'est tout. Maintenant, tu dois penser uniquement au présent. Tu n'as pas le choix. Il te faut oublier et penser à ta vie, à ta carrière. Ce n'est pas la carrière qui m'importe le plus, mais mon sentiment. C'est lui, la sève de ma vie. La carrière n'en est qu'un instrument. Mes yeux égarés fixèrent le mur gris en face de moi. Au retour de la tournée, j'y avais accroché une illustration. Photo de l'illustration. Elle présentait le symbole de l'amour indéfectible. Deux canards mandarins volant côte à côte dans les cieux. En haut à gauche, j'avais écrit « Je dis à moi-même, pas besoin de requiem ». Tandis que je contemplais cette image, Yue me demanda « Que penses-tu ? » Muette, je me sentais ailleurs, très loin. « S'il te plaît, parle » insista-t-elle. Je murmurai. « Comment oublier une partie de moi-même ? Jamais des yeux et un visage n'ont fait battre mon cœur comme je l'ai senti durant les rares et brèves rencontres avec ce garçon, et son attitude me montrait qu'il éprouvait les mêmes sentiments. Mais quand il n'y a aucun espoir de les concrétiser, objecta tristement Yue, pourquoi y penser encore et souffrir ? Si haute que soit la montagne, le brave la franchit. Si profonde l'eau du fleuve, il la traverse. Si violent le vent, il l'affronte. Et finalement, il arrive à destination. Cette bravoure m'a manqué. Et pourtant, je refuse que ma vie soit décidée par d'autres parce qu'ils détiennent la puissance. » De nouveau effrayée, Yue lança un regard inquiet vers la porte. Trop souffrante, je n'y prêtais pas attention. Je continuais. La tristesse de la séparation me tourmente, mais je la chéris. Elle me tient liée à celui que je ne veux pas oublier. Je ne peux plus aller à la place Tiananmen. La dernière fois que je m'y suis trouvé, l'inscription qui la orne, « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous », que j'aime tant, m'a blessée, déchirée. Devant elle, je me suis demandé, « Et alors, pourquoi celui que j'aime et moi, étant tous les deux des travailleurs, il nous est interdit de nous unir par l'amour ?» Oui, tu as raison, Yue, les mots peuvent servir uniquement à tromper. En moi, alors, à la douleur amoureuse, s'est ajoutée la souffrance d'aggraver mes doutes concernant la sincérité de nos dirigeants, dont j'étais jusque-là fière. Dis-moi, Yue, comment continuer à exister après le naufrage de ces deux merveilleux cadeaux de la vie, l'amour et la révolution ? Pour la troisième fois, Yue, sur le qui-vive, mit vivement l'index de sa main droite sur ses lèvres de manière perpendiculaire pour signifier de ne pas parler. À ce douloureux souvenir du passé, met fin le doux chant d'un coucou. Tiens, tu ne dors pas. Qui appelles-tu ? De la fenêtre de ma cuisine, où je suis encore debout, je le cherche des yeux, mais la nuit le cache. Oh, comme tu te fais entendre au juste moment. Toi, symbole de la nostalgie mélancolique, tu me rappelles l'âpre et longue solitude de mon amour. Seule la ténue, la touchante affection de mes compagnons paysans. Je lève les yeux vers la lune. D'une rondeur parfaite, elle resplendit au centre du ciel. Elle me fait penser à notre si touchante traditionnelle cérémonie. Chaque année, je l'accomplis au sommet de la même montagne du village. Comme toutes les amoureuses séparées de Chine, je m'agenouille face à toi, astre éclairant la nuit. Et je te regarde, enflammée par l'ardente prière de voir en songe l'absent tellement désiré. Le miracle se réalisa. Je t'ai vu, mon aimé, en rêve. L'image était vague, troublée par un épais brouillard. Mais c'était toi. Ce songe eut lieu plusieurs fois, toujours identique au cours des années. Je t'appelais alors par le chant celui que tu écoutas la première fois. Tu me fixais ardemment, mais en restant immobile, à ta place, le corps lointain, sans prendre ton violon et m'accompagner. Dans la cuisine, devant la fenêtre, mon regard est soudain attiré par une étoile filante. D'un rouge vif, elle traverse, rapide et silencieuse, le ciel, puis disparaît en tombant quelque part sur la terre. Comme pour saluer ce fugace voyage, retentit à l'improviste dans la nuit un joyeux chant de coq. 11 juin, Pékin, soir. Visite du médecin dans ma chambre, rien de grave. Médicaments anti-diarrhée, il m'assure, demain vous pourrez voyager. Tard le soir, un signal sonore attire mon attention. Je prends mon téléphone et regarde l'écran, message. Mon doux grand et toujours petit enfant, depuis que tu es parti, je suis si attristé que j'en perds l'appétit. Je pense à toi tout le temps, donne-moi de tes nouvelles, ta maman qui t'aime. Soleil de mon âme, je l'appelle. Ma tendre petite maman, je te pense tous les jours et chaque fois un pincement au cœur me dit combien tu me manques. Oui, je n'en doute pas, mon petit, et je suis heureuse de savoir que tu es à la recherche pour trouver ton bonheur. C'est mon vœu le plus cher, sinon comment supprimer de tes yeux la mélancolie et y faire briller la joie? J'ai toujours hautement apprécié combien ma mère est sensible à mon état psychique. Elle en devine jusqu'à ses moindres nuances. Même quand je m'efforce de lui cacher ce qui m'attriste, elle parvient à le déceler, parfois sans l'exprimer ouvertement, pour m'éviter tout accablement. Alors, mon petit, dis-moi comment tu vas. Je vais bien, maman. Cependant, je suis très inquiet d'apprendre que tu as perdu l'appétit. Oh, ce n'est pas grave. Quand on vieillit, on a moins besoin de nourriture. Au contraire, maman, ton corps a besoin des aliments pour le tenir en forme. La forme, ça va. Alors, dis-moi de ton voyage. Tout va bien. Sois tranquille. Je me détends, je me relaxe. Je voudrais qu'il en soit de même pour toi aussi. Ne m'as-tu pas toujours dit « Quand mon petit est heureux, je suis alors heureuse. » Oui, bien sûr. Toutefois, de temps en temps, ton absence me pèse. C'est normal, surtout à mon âge. Je comprends très bien. Toi aussi, tu me manques. Et comme tu le dis justement, surtout en considérant l'âge, le tien et le mien. À cette observation, nous rions tous les deux pour chasser le vague à l'âme provoqué par la vie qui passe. La conversation finie, je reste troublé. La vieillesse est arrivée. Le corps la montre, les rides la soulignent. Combien de temps encore aurais-je le plaisir de dire « maman » dans la joie comme dans le tourment à celle qui a toujours été et demeure mon point de repère, mon soutien, ma boussole ?